بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عن صلاة التراويح في البيت، أي est-ce que c'est permis d'accomplir صلاة التراويح à la maison ou est-ce que cette salat on peut la faire qu'au masjid. Cette fatwa est importante, surtout cette année, cette situation qu'on vit à cause de cette pandémie. Les mosquées, les masajids dans la plupart des pays, ils seront fermés pendant le mois de Ramadan ou pendant une partie. À la Koulihal, beaucoup de gens ils se posent cette question. Et d'autres, ils ignorent. Ils pensent que Salat Tarawih, c'est que pour ça se fait qu'au masjid. Fashir ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qala, kama fi nour ala d-darb, la ba'sa biha fil bayt, walakin fil masjid afdal. Donc, Salat Tarawih, c'est permis à la maison. Lakin le mieux, c'est fil masjid. Les savants, ils ont divergé. Certains savants, ils ont dit c'est mieux à la maison. D'autres, ils ont dit c'est mieux au masjid. Et il n'y a aucun doute que l'avis le plus juste, Wallahu ta'ala a'lam, c'est qu'au masjid, c'est meilleur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au départ, il l'a fait fil masjid, lakin il a craint, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle devienne obligatoire, donc il a arrêté. Quand il a vu que au bout de deux nuits, trois nuits, les gens, ils commençaient à se rassembler, il a arrêté. Par crainte que ça devienne obligatoire. L'imam et à l'époque du prophète Aïssa, la révélation elle descendait. Thumma, après sa mort, والسلام, durant le califat de Omar, Omar il a décidé de rassembler tout le monde au masjid et que les gens ils fassent au masjid. Et l'imam c'était Ubay ibn Ka'b, radiallahu an is sahabati ajma'in. À la kulli hal, alladhi yadhhar, et as-sawab, c'est que at-tarawih c'est mieux au masjid. Et c'est permis, fil beit. Et c'est permis à la maison, même si cette salat, elle est accomplie au masjid. Maintenant, en temps normal, quand les gens ils font salat fi tarawih, c'est permis de la faire à la maison. Et on précise, là, c'est pas une obligation. Celui qui ne la fait pas, il n'a pas désobéi à Allah Azza wa Jal. Lakin fiha khayrun azim. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Et dans l'autre hadith, man qama ou man salla ma'a l'imam hatta yansarif, كتب له قيام ليلة. Celui qui fait salat avec l'imam jusqu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui écrit أنه il a veillé toute la nuit en salat. فعلى كل حال, dans notre situation, vu que les masajid sont fermés, il n'y a aucun doute que c'est permis à la maison. بل كما تقدم معنا dans l'explication des Riyad Salihin, le chapitre de l'Ikhlas, قول النبي صلى الله عليه وسلم, celui qui a l'habitude de faire un bien, il a une excuse, il a la récompense de ce qu'il avait l'habitude de faire. Enfin, celui qui avait l'habitude de faire salat tarawih tous les ans au masjid, et cette année il avait cette intention, lakin qadr Allah, anna les masajid, ils ont été fermés pour une bonne raison, walillahil hamd, pour éviter la propagation de cette maladie, donc c'est quelque chose de légiféré. Donc, dans ce cas, celui qui avait cette intention de faire salat tarawih au masjid, il est récompensé comme s'il avait fait salat tarawih au masjid. قال الشيخ ابن باز فإقامته في المسجد إقامتها في المسجد هي السنة هي التي درج عليها السلف الصالح ولو صلى في بيته فلا حرج. Donc la sunna, le mieux c'est de la faire à la maison, et celui qui l'a fait chez lui, il n'y a aucun mal. Et notre situation, nous, vu que les masajid sont fermés dans beaucoup d'endroits, donc la faire à la maison, il n'y a aucun doute que c'est une sunna. Un autre point qu'on peut citer, هنا, سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما حكم حمل المصحف للإمام. Est-ce que c'est permis? لأن صلاة التراويح, il faut avoir un minimum de mémorisation du Coran pour pouvoir réciter. خاصةً celui qui veut réciter longtemps, qui veut faire صلاة التراويح avec 11 rak'a, 13 rak'a, pendant une heure, pendant deux heures, il faut un minimum. Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Baz, est-ce que c'est permis de... Tu es debout, tu fais la salat et tu as le mushaf. Le mushaf dans les mains et tu lis le Coran en lisant. Est-ce que c'est permis? قَالَ لَا بَأْسْ بِهَذَا عَلَى الرَّاجِحِ. كَذَلِكَ il y a un khilaf, il y a une divergence entre savants, mais l'avis le plus juste, Wallahu A'lam, c'est que c'est permis. قَالَ لَكِنَ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا حَرَجَ أَنْ يَقْرَ مِنَ الْمُصْحَفِ إِذَا كَانَ لَمْ يَحْفَظ. S'il ne le connaît pas par cœur, il connaît que certaines sourates et ça ne lui permet pas de réciter longtemps. Il veut réciter des autres sourates qu'il ne connaît pas. Dans ce cas, c'est permis. قال والأصل جواز هذا ولكن أثر أثر عائشة يؤيد ذلك أن إذا تيسر الحفظ فهو أولى لأنه أجمع للقلب. أثر عائشة قال: وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان مولاها ذكوان يصلي بها في الليل من المصحف. الإمام البخاري لا سيت أثر أن عائشة الفز الصلاة derrière مولاها ذكوان et récitait à partir du مصحف et en lisant. Donc c'est permis كما قال شيخ بن باز. Si c'est par cœur, c'est mieux. Celui qui connaît le Coran par cœur et qui récite de sa mémorisation, fahada, c'est mieux. قال لأن حمل المصحف يحتاج إلى وضع ورفع وتفتيش الصفحات فيصار إليه عند الحاجة. Vu que le مصحف, tu dois le prendre. Quand tu vas te prosterner ou t'incliner, tu vas le poser. Et quand tu vas te relever ou quand tu récites longtemps, tu es obligé de tourner les pages. Ça demande, ou ça va t'occuper qalilan, fahada, on le laisse qu'en cas de besoin. قال وإذا استغنى عنه فهو أفضل. Celui qui peut s'en passer, c'est mieux. هنا on précise la question c'était pour l'imam. وإلا فسئل الشيخ بن باز pour celui qui prie derrière l'imam, il a démontré que هذا ça se fait pas. Le mieux c'est de délaisser, on n'a pas besoin. On écoute l'imam. Donc si on prie tarawih chez nous seul, on a le droit de prendre le mushaf. Celui qui ne connaît pas le Coran. كذلك si tu fais salat في بيتك مثلا tarawih et avec ta famille, tes enfants, tes frères, tes sœurs, ton épouse derrière toi. Anta, tu as droit de prendre le Coran et eux, ils écoutent. لماذا لأنهم la lecture de l'imam, ça leur suffit. Mais l'imam, pour réciter, il a besoin, s'il ne connaît pas par cœur, de lire. Donc, dans son cas, c'est permis. Wallahu a'lam. هذه الفتوى من مجموع الفتاوى de Cheikh Ibn Baz. كذلك, une autre question. On essaye de citer quelques points sur Tarawih pour que ça soit assez complet. بإذن الله عز وجل. أن السلم il fait salat avec sa femme, ou avec sa mère, ou avec sa sœur, ou avec sa tante. Mouhim avec une femme, min al-maharim. La femme, où est-ce qu'elle doit se placer? Ils ont posé cette question à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, comme fi fatawa al-jami' al-kabir, qala, al-mar'atu mutlaqan taqif khalf al-rajul, sawa'un kanat zawjatu, ou ghayruha, min maharimihi taqif khalfa. La femme, dans tous les cas, quand elle fait salat derrière un homme, elle doit être derrière lui. Que cet homme, ça soit son fils, ou son père, ou son oncle, ou son frère, ou son mari. Dans tous les cas, elle doit faire salat derrière lui. قال شيخ بن باز رحمه الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس عن يمينه وأم سليم خلفهم. أم سليم رضي الله عنها c'était la mère de Anas. Et Anas il a fait salat مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة. Il était à sa droite. Ils étaient que deux. Et Umm Sulaym, elle était derrière eux. Ça nous montre que la femme, dans tous les cas, même si l'homme il est seul, elle ne se met pas à côté de lui, elle se met derrière. قال ومرة صلى بأنس واليتيم صفا والعجوز من ورائهم. Et مرة النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الصلاه avec un orphelin et Anas. Ils ont fait un rang. Et une femme, elle était derrière eux. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il était devant. وأنس اليتيم un orphelin, ils étaient derrière le Nabi صلى الله عليه وسلم, ils ont formé un rang. Il y en a à partir de deux, ils doivent former un rang. Et il y avait une femme, elle était derrière eux. Elle est dans un rang seul. فهكذا المرأة, elle ne se met jamais à côté de l'homme. Elle est toujours derrière l'imam. Et si un rang, elle se met derrière le rang. On قدر مثلا un père de famille avec ses deux enfants, ses deux garçons. Et une femme, إما la fille, إما la mère, إما elle se met toute seule derrière le rang. هكذا. والله تعالى أعلم. قال فالسنة أن تكون المرأة خلف المصلين ولو كانوا محارما لهذا تكون خلفه هذا السنة. نعم. Même si c'est son fils, même si c'est son petit-fils, elle fait salat derrière طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Un autre point, est-ce que quand on fait التراويح, on doit forcément terminer le Coran? À notre époque, dans les masajid, ولله الحمد, en général, التراويح commence par Sourate al-Fatiha, thumma al-Baqara, ila akhiri, jusqu'à la fin, jusqu'à Sourate al-Nas. Et بعض الناس, كأنهم, ils pensent que c'est une obligation. Si tu finis pas le Coran, tu as mal fait, tu as eu un manquement. Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, comme a fait Nour al-Darb, قال لا حرج في ذلك الأمر في هذا واسع. Il n'y a pas de mal. Celui qui arrive à terminer, falhamdulillah, celui qui ne termine pas, c'est permis. قال إن ختمت فهو أفضل حتى يسمع الناس وحتى يفوز بالأجر العظيم في هذا الشهر الكريم. Celui qui termine le Coran, فالحمد لله, لا شك, il a une énorme récompense. C'est un rappel pour tout le monde, pour ceux qui écoutent. Et celui qui ne termine pas, إما il a la capacité, إما un manque de temps, Ah là, il n'a commis aucun péché. Dernier point, al-waqt. Si on fait salat à la maison, un ma fi al-masjid, on suit l'imam. La grande majorité des pays, ils font après l'Isha. Et à la fin du Ramadan, les 10 dernières nuits, dans beaucoup de masjids, wallahi alhamd, ils font avant le fajr. Donc, quand c'est au masjid, tu n'as pas le choix pour les hommes et même pour les femmes. Ceux qui veulent faire salat fi al-masjid, ils suivent l'imam. Si dans sa ville, c'est après l'Isha, il fait après l'Isha. Al-ajr il-azim. Amma al-an, vu qu'on fait chez nous, cette année, bi-idhnillahi azza wa jal, donc, est-ce qu'on fait au début de la nuit, est-ce qu'on fait au milieu de la nuit, est-ce qu'on fait avant le fajr? Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, an waqt salat al-tarawih, qala, ou ils ont posé plutôt la question la plus précise, hal yajuz an uakhir salat al-tarawih ila akhir al-layl? Est-ce que c'est permis de faire salat al-tarawih avant le fajr, et la dernière partie de la nuit? قال شيخ ابن باز نعم لا بأس إذا تيسر هذا فهو أفضل آخر الليل شيخ ابن باز رحمه الله قال سي الإنسان سي لا بيرسون على لا كاباسيتي دو روبوشسي avant le fajr jusqu'au dernier tiers de la nuit c'est mieux قال إذا تيسر هذا فآخر الليل أفضل نعم جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا في آخر ثلث الليل من كل ليلة فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له. هذا سان حديث عظيم أن الله سبحانه وتعالى يدسان le dernier tiers de chaque nuit. Et Allah سبحانه وتعالى يدي qui c'est qui me demande, je lui donne. Qui c'est qui me demande pardon, je lui pardonne. Donc si tu fais salat à ce moment, et في سجود dit que tu demandes à Allah سبحانه وتعالى, là chaque il y a aucun doute que le dernier tiers de la nuit, c'est meilleur. قال ولكن المسلمين يصلونها في أول الليل لأنه أنشط لهم وأقرب إلى القيام بها لأن كثير من الناس لو نام ما قام في آخر الليل فالمقصود أنه إذا تيسر أن تؤدى في آخر الليل فذلك أفضل نعم شيخ ابن باز il a fait cette précision bénéfique rahmatullah alayhi أن si tu as peur de t'endormir et de ne pas te réveiller à temps Tu te réveilles juste avant, tu as juste le temps de manger as-sahur, tu n'auras pas le temps de faire as-salah. Fais hadha al-hal, fais-la avant de dormir. Et chacun, il se connaît. Chacun de nous, il se connaît. C'est celui qui a l'habitude de se réveiller avant, il sait que wallah alhamd, c'est très simple pour lui. S'il peut faire le dernier tiers de la nuit, c'est afdal, c'est mieux. Celui qui craint de dormir et de manquer, enfin, on fait attention de ne pas repousser et dire toujours je ferai le dernier tiers de la nuit, mais on dort et on manque des nuits. Hada, le mieux, c'est de faire salat après l'Aïcha avant de dormir. Et comme a dit Cheikh Ibn Baz, l'amr wasi'a. Kadhalik. كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من أول الليل ومن وسطه ومن آخره النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في قيام الليل une partie le début de la nuit une autre partie le milieu de la nuit et la dernière partie à la fin هذا كذلك tu n'es pas obligé de faire salat tarawih les 11 rak'a c'est le mieux ou 13 rak'a كذلك commencer avec 2 rak'a khafifat c'est bien et On avait fait un dars sur Salat al-Tarawih, le fait de faire plus de 11 ou 13, c'est pas une bid'a à la sahih. Lakin le mieux, c'est de faire comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait 11 rak'a ou 13. Tu peux faire 2 au début de la nuit, ou 4, thumma 4 au milieu, 4 au début, 4 au milieu, ça fait 8. Thumma les 3 dernières avant al-Fajr. Hada al-amr il est wasi'. L'essentiel, c'est de faire Salat la nuit et d'avoir une bonne intention. Et on fait attention à l'kassel et on se rappelle de l'énorme récompense et qu'on fait attention aux innovations. Puis, hadhihi as-salah, il faut voir des ils inventent des choses. Wallahu ta'ala alam. Et celui qui veut les détails, les ulama, wallahi alhamd, ils ont détaillé hadhihi as-salah. Minhum al-imam al-albani rahimahullah dans son livre Qiyam Ramadan. Et kadalik, Fi Sahih al-Bukhari, fi Sahih Muslim, dans les livres de hadith, il y a des chapitres sur Qiyam Ramadan et dans les livres de fiqh. Et on avait, walillahi alhamd, cité les paroles de certains savants dans une kalima qu'on avait fait sur Tarawih. Falhamdulillah. Naktafi bihada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.